Pour se rendre d'un point A à un point B, surtout si la distance est grande, il est important de bien choisir son véhicule. Ça commence par la méthode de propulsion, chimique, nucléaire, solaire ou carrément pour éviter la lassitude de voyages interminables, repliement de l'espace-temps pour aller directement de A à B sans se taper tout le trajet. Ensuite, le design importe, plutôt simple, géométrique ou au contraire quelques petites fioritures esthétiques pour un look plus futuriste. Et puis, il faut savoir avec qui voyager. Une poignée d'aventuriers, une civilisation entière avec son agriculture, ses industrie, son support de vie sur des générations. Bref, si vous hésitez encore, on vous aide à bien choisir votre vaisseau spatial. Oh mon vaisseau, c'est le programme le plus beau qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour être sûr de n'oublier aucune option, les sièges en croûte de vachette retournée et l'allume-cigare en Bluetooth, et assurer le petit plus plaisir pour trouver votre vaisseau personnalisé, nos deux bonimenteurs du jour sont Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA de Saclay, président du festival Les Utopiales dont France Culture est partenaire, également à la tête de la collection Parallax aux éditions du Bélial, et Denis Bajram, bonjour. Bonjour. Scénariste et dessinateur, auteur notamment de la série Universal War 1 et 2, c'est chez Soleil Productions, mais aussi de Cryozone, c'est chez Delcourt. Mais on commence par le vaisseau spatial qui a occupé l'attention de la France entière ces dernières 24 heures et le reste éventuellement de l'actualité scientifique avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Voilà, et à moins que vous ne sortiez d'une grotte ou d'une île déserte, vous n'avez pas pu le rater. Le premier Français commandant de bord de l'ISS, eh bien, il s'est envolé ce matin avec succès. Oui, ce matin, l'astronaute Thomas Pesquet a décollé depuis la capsule Crew 2 de SpaceX, lancée par la fusée Falcon 9. Alors, aux côtés de deux Américains et d'un Japonais, il rejoint la Station Spatiale Internationale et il devrait s'amarrer demain vers 13h30 pour assurer la relève de l'équipage de Crew 1. Alors, pour Thomas Pesquet, c'est sa deuxième mission à bord, mais c'est la première fois qu'un commandant de bord est français. C'est une façon de réaffirmer le rôle de la France dans l'histoire de la conquête spatiale. Et c'est aussi une manière de promouvoir la recherche française, car ce décollage, c'est aussi le coup d'envoi de la mission Alpha de l'ESA, une mission préparée au Centre Spatial de Toulouse par les équipes du CADMOS. Car pendant 6 mois, les astronautes vont mener 100 d'expériences dans ce laboratoire en orbite. Il y a celle du Blob, 1/8 passager à bord, pour mesurer les effets de la pesanteur sur cet organisme unicellulaire. Il y a également l'expérience Télémac, ou comment manipuler des objets sans ne jamais les toucher, avec une pince acoustique, ou encore l'expérience Cerebral Aging, ou comment des organoïdes cérébraux, de mini-cerveaux de synthèse, réagissent à la micro-pesanteur et à l'exposition aux radiations. Voilà, Télémac, c'est l'Odysseus, le 8e passager, c'est le Nostromo. On commence déjà à être un peu dans le thème de l'émission du jour. En bref, Natacha, selon une étude parue hier dans la revue Proceedings of the Royal Society B, la pisciculture a un impact sur la diversité génétique des saumons. Oui, on sait déjà que les éleveurs sélectionnent plutôt des poissons à croissance rapide. On sait aussi que ces poissons d'élevage survivent mal en dehors de leur pisciculture. Alors, une équipe internationale a comparé l'ADN de plus de 700 poissons contemporains de 13 rivières suédoises avec 830 spécimens des années 1920. Ils ont découvert que le saumon d'aujourd'hui est beaucoup moins diversifié génétiquement qu'il ne l'était avant l'apparition en Suède des premiers élevages. Selon ce papier, cette homogénéisation génétique risque de compromettre la survie de cette espèce ainsi que sa capacité à s'adapter au changement climatique. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question des succès nombreux de la mission Perseverance sur Mars, avec notamment les vols de l'hélicoptère Ingenuity et également la création d'oxygène dans l'expérience MOXIE à partir de l'atmosphère martienne. Également question de la transmission par aérosol du SARS-CoV-2, qui sera le sujet des idées claires de la semaine prochaine, du lancement d'un nouvel essai clinique pour étudier les réinfections dans le cadre du Covid-19, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, et en ultra bref. La semaine dernière, nous apprenions que 2,5 milliards de T-Rex ont peuplé la Terre. Cette semaine, on découvre que ces prédateurs ont probablement chassé en meute, comme les loups. C'est ce que laissent à penser les ossements d'un groupe de T-Rex découverts aux États-Unis. On sait peu de choses du comportement social chez les tyrannosaures, mais les analyses isotopiques révèlent que ces spécimens sont morts ensemble lors d'une inondation, ce qui prouverait que ces dinosaures étaient des animaux grégaires. Cette semaine, on apprend que la NASA a choisi SpaceX pour construire son futur atterrisseur lunaire dans le cadre de la mission Artemis. La société d'Elon Musk prévoit une version modifiée de son vaisseau Starship. Alors jusqu'à présent, les 4 vols d'essai du prototype se sont tous terminés en explosion spectaculaire. Mais si tout se déroule bien, l'alunissage est prévu pour 2024. Et pour finir la semaine, une bonne nouvelle, on découvre que les tarentules sont présentes absolument partout sur notre planète, sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Alors à partir d'analyses d'ADN, des chercheurs ont remonté leur arbre généalogique. Ces araignées géantes évolues seraient apparues il y a 150 millions d'années. La dérive des continents leur ont ensuite permis de voyager et de coloniser la planète. Des troupeaux de tyrannosaures, des tarentules partout. Aimez la nature, elle vous le rendra bien. Allez, dans un instant, on passe en revue l'intégralité de tous les vaisseaux spatiaux jamais imaginés dans l'univers de la science-fiction, et le tout en moins d'une heure. Mais avant, on fait un crochet par le journal de l'ASF. Et on commence ce journal avec une étude, là aussi on est en plein dans le sujet, parue dans Journal of Propulsion and Power. Ça vous intéressait, Roland Le Houx, puisque c'est la démonstration d'un propulseur laser photonique pour des engins spatiaux. Alors nous ne sommes pas encore à pouvoir voyager sur Mars en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois, ce papier est très théorique. Une équipe américaine, financée par le programme Innovative Advanced Concept de la NASA, a présenté à échelle réduite un PLT, un propulseur laser photonique. Alors pour cette démonstration de principe, qu'on peut aussi voir dans une vidéo, on voit une petite boîte, un engin spatial fictif de 700 grammes, qui accélère avec une lumière laser pure en utilisant uniquement la puissance de la lumière. Le PLT a amplifié la puissance des photons en les faisant rebondir plusieurs centaines de fois entre deux miroirs laser. Avec un système d'engin spatial PLT, l'avantage majeur, c'est la réduction de la consommation de carburant pour tout type de manœuvre spatiale. Ce nouveau propulseur laser pourrait accélérer des satellites à des vitesses encore jamais atteintes. Selon les auteurs, la technologie PLT a le potentiel de révolutionner la conception des missions spatiales. On va en parler dans un instant. En bref, Natacha, selon une prépublication sur le site Archive, une équipe américaine a présenté un robot bipède capable d'apprendre la marche par lui-même. Mais ce robot jaune baptisé Cassie a appris par lui-même à marcher sur un terrain glissant, sur un sol sinueux ou à enjamber des obstacles. Alors lors d'une première étape, une simulation, une version numérique de Cassie a d'abord appris à marcher grâce à une base de données sur les mouvements de robots et par l'apprentissage par renforcement. En intelligence artificielle, cela consiste à apprendre des erreurs pour sélectionner la meilleure action. Une fois le modèle de marche appris, il a été chargé dans le robot réel qui s'est ensuite réellement entraîné dans différents environnements. L'armée américaine est en train de tester une botte exosquelette qui s'adapte à ses soldats. Et le laboratoire de recherche de l'US Army développe des bottes intelligentes et robotisées pour assister les soldats. Alors pour soulager leurs efforts lorsqu'ils portent de lourdes charges, aider l'articulation de la cheville par exemple, ou pour optimiser leur performance lors de longues marches. Le projet s'appelle Défi Exoboot. Une vingtaine de participants ont réalisé une série d'efforts physiques avec des capteurs pour enregistrer les signaux cérébraux et musculaires. Ces données devraient être intégrées au système de commande de l'Exoboot afin de se synchroniser avec le soldat. En bref, toujours côté fiction cette fois, l'intégrale des nouvelles écrites par Frank Herbert, l'auteur de la saga Dune notamment, vient de paraître. Et c'est la toute première intégrale du genre. Le tome 1 vient de sortir aux éditions Le Bélial avec des textes écrits entre de 1952 à 1962. Alors, pouvoir psychique, exoplanète, expérimentation biologique, ce sont les thèmes que l'on retrouve dans ces 40 textes, avec également des nouvelles inédites. Présentées par ordre chronologique, on découvre l'évolution de l'écriture de l'auteur. Le deuxième tome sortira en août et couvrira les années 1964 et 1979. Et aux éditions du Diable Vauvert, un autre monument de la science-fiction est réédité, le roman Lien de sang d'Octavia Butler, une réédition avec une nouvelle traduction. L'afro-américaine visionnaire y raconte le voyage dans le temps de Dana, propulsée dans une plantation du Sud au temps de l'esclavage. Ce roman sera d'ailleurs bientôt adapté en série par la chaîne FX. Et comme chaque vendredi, on termine par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, on fouille dans les archives de la National Science Foundation de Washington avec une expérience notable sur la vie sexuelle des dindons. Oui, en 1965, une équipe américaine a mené différentes expériences sur l'érotisme des dindons. Qu'est-ce qui séduit les dindons mâles ? Les chercheurs ont d'abord placé une dinde empaillée dans l'enclos. Alors même sans aucun signe de vie, les dindons cherchaient malgré tout à se reproduire avec. Puis, les scientifiques ont retiré une par une des parties du corps de l'animal empaillé, les pieds, les ailes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une tête montée sur un bâton. Et les dindons étaient toujours séduits. Surprise, face à une dinde taxidermisée sans tête, les mâles s'en sont détournés. Donc selon les chercheurs, le cou est le stimulus sexuel principal du dindon. Ils ont aussi tenté l'expérience avec des poulets, et à l'inverse, les poulets préfèrent les poules sans tête. On pourrait s'en tenir là, on pourrait arrêter cette émission tout de suite. T'as un beau coup, tu sais. Mais c'est important, le coup, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Natacha, pour toutes ces informations essentielles qui vont enrichir nos conversations ce week-end. Et on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Bon week-end. Bon week-end. Et à 16h10, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce Journal des Sciences, non pas pour vous faire réagir sur les coups de dindon, mais sur cette question de la propulsion laser. Roland Lehoucq, est-ce que c'est une sorte de nouvel espoir, pour utiliser la formule consacrée ? Alors, effectivement, on peut utiliser de la lumière pour pousser un vaisseau. Là, l'idée qui était donnée dans le Journal des Sciences était que ça permet de se passer de carburant. En fait, évidemment, l'énergie nécessaire à propulser le vaisseau n'est que déportée. Elle était à l'intérieur du vaisseau quand on prend un carburant. Elle se retrouve à l'extérieur sous la forme de du générateur, de la machine qui produit le faisceau laser très intense, qui va pousser le dispositif. Il faut réaliser quand même que la lumière exerce une pression, donc déjà ça fonctionne. Quand un lumineux frappe un miroir, il rebondit, il est réfléchi par le miroir, et ça donne au miroir, ça implique au miroir une petite force. Et si on considère ça par unité de surface, ça s'appelle une pression, on appelle pression de radiation. Elle est extrêmement faible. Si on considère la pression de radiation du Soleil, par exemple, de la lumière solaire, sur une voile solaire, par exemple, qui serait en orbite autour de la Terre, cette pression de radiation, elle est équivalente au poids d'un kilogramme qui s'exerce sur un kilomètre carré. Donc c'est pas beaucoup. Donc là, évidemment, avec un laser, l'avantage, c'est qu'on peut pousser un peu plus fort. On peut mettre plus de puissance dans la lumière, mais il reste néanmoins que si on ne met pas une puissance absolument considérable, et même en mettant une puissance considérable dans le faisceau lumineux, en nombre de watts dans le faisceau lumineux, eh bien, on aura une pression qui sera, disons, relativement modeste. L'intérêt, pour le coup, c'est que ça déporte le carburant et qu'on pousse tout le temps, aussi longtemps que vous éclairez votre voile. Mais ça demande tout de même, si on veut pousser depuis la Terre, ça demande tout de même un laser d'une grande puissance. Absolument. Pour pouvoir traverser l'atmosphère et pour pouvoir... Alors, si le laser il est sur la Terre, il doit traverser l'atmosphère, la traversée de l'atmosphère va perturber le faisceau laser, de la même façon que la lumière des étoiles est perturbée quand on les observe sur les télescopes au sol. Et puis, il va falloir aussi pointer le laser en permanence vers la voile. Il faudra avoir un système qui va toujours viser au bon endroit pour que ça propulse le dispositif. Donc ça peut donner, pour des vaisseaux assez légers, il y avait le fameux projet de Yuri Milner, le projet Starshot. Là, pour vous donner une idée, les voiles faisaient 4 mètres carrés, mais le dispositif entier, le petit vaisseau, pesait quelques grammes. Et donc pour faire ça, vous voyez que, et c'était un laser qui faisait déjà des dizaines, peut-être même une centaine de gigawatts. Donc c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut des grosses puissances laser sur des petits vaisseaux plutôt légers pour espérer faire quelque chose d'un peu tonique, si je veux dire, atteindre des vitesses particulièrement étonnantes. Bon, au final, ça peut donner des idées. Ça pourrait par exemple servir à déplacer des satellites sans consommer de carburant, en déployant une voile et puis en les tournant. Il y a eu comme ça sur les voiles solaires. Dans la science-fiction, c'est déjà arrivé. Prenons un grand ancien de la science-fiction, Gérard Klein. Quand il signait grand ancien, pas au sens Lovecraftien, attention, oui, pas au sens ce que vous dites. Et donc, quand il signait sous le pseudo de Gilles d'Argir, il a écrit, le premier a écrit les voiliers du soleil. Donc l'idée que des vaisseaux pourraient être propulsés par des voiles solaires. Et puis, il y a eu pendant quelques années, c'était vrai dans les années 80, il y a eu quelques tentatives, quelques velléités de faire une course à la voile solaire entre la Terre et la Lune. Et cette course à la voile solaire, qui est décrite d'ailleurs dans un roman d'Arthur Clarke, qui s'appelle Sunjammer, des vaisseaux qui sont poussés littéralement, on oriente les voiles, on les pilote, pas exactement comme un vaisseau à voile, mais il y a quand même de l'idée, et on utilise comme moyen de propulsion seulement la poussée produite par le Soleil. On va revenir sur les différentes méthodes et les différents modes de propulsion. On a lancé sur les réseaux dits sociaux un petit sondage, à savoir quel était le vaisseau spatial préféré de nos auditrices et de nos auditeurs. Un sondage évidemment totalement approximatif, réalisé à partir de la célèbre méthode du doigt mouillé. Du coup, je vais vous demander les vôtres. Denis Bajram, c'est quoi votre vaisseau spatial favori, celui qui garde une place particulière dans votre cœur, celui dans lequel vous aimeriez embarquer pour pour un autre système solaire. Est-ce qu'on a perdu de... Je crois que c'est les Eagles dans Cosmos 99. Non, non, on vous entend, pardon. Allez-y, Denis Bajram, pardon. Oui, il y a un décalage que j'entends moi-même. Oui, donc c'est les Eagles dans le Cosmos 99. C'est une série des années 70 où la Lune part en orbite après une explosion. Quitte son orbite, et après une explosion. Et il y avait des vaisseaux dessus qui étaient des petites merveilles de design. Voilà, mon vaisseau préféré. Pourquoi, en quelques mots, c'est vraiment juste une question de design. Il était à la fois, c'est un vaisseau assez pointu avec un avant qui était dynamique et en même temps c'était une espèce de transporteur. On pouvait mettre des conteneurs dedans. Il y avait ce côté à la fois très réaliste, très pratique, très utilisable pour comme un engin un peu tout terrain pour une base lunaire, et en même temps il était beau, donc c'était un peu une réussite. Roland Lehoucq, votre vaisseau spatial préféré? Alors, je vais vous donner deux réponses. C'est trop compliqué. La première réponse, c'est des vaisseaux spatiaux. En fait, c'est les vaisseaux qui étaient dessinés sur les couvertures des livres de SF dans les années 70-80, où il y avait des vaisseaux spectaculaires que j'adorais. Le nom de l'illustrateur, je l'ai oublié, Denis, tu peux me le rappeler, c'est sûrement une bille. Fausse. Voilà, Chris Fauss, évidemment. Et donc, ces vaisseaux-là étaient vraiment spectaculaires. Et puis sinon, dans la partie, comme physicien, le vaisseau qui me plaît le plus, c'est le Venture Star d'Avatar. On ne le voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Il est malignement, astucieusement conçu. Et sa forme trahit une réflexion derrière. Ce n'est pas un vaisseau au hasard. Il n'est pas que pour le design. Il a une jolie gueule en plus, mais il n'est pas que pour le design. C'est parce que ce serait le plus réaliste, selon vous. Le Venture Star pourrait ressembler à un éventuel vaisseau. Ouais, exactement. Le Venture Star, on voit bien... Pour quelle raison ? Quand on voit l'image du film, on ne le voit pas beaucoup dans le film, mais quand on voit les quelques minutes, deux minutes peut-être où on le voit en tout dans tout le film, on voit bien que le bloc moteur est énorme par rapport au bloc de où sont les personnages, les passagers. Et le bloc moteur, il est adjoint avec quatre grosses sphères qui doivent contenir le carburant, manifestement. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a toute une enquête qu'on peut mener en regardant le film pour savoir ce qu'il y a dedans. Et puis on voit bien que il y a le gros bloc moteur et puis il y a une espèce de câble. Enfin, c'est plutôt quelque chose qui a une forme de tour Eiffel en réalité. Et ça, c'est malin. Il y a une raison. C'est malin, pourquoi ? C'est malin parce que on a besoin d'avoir un câble qu'on va tirer dessus. Et ce câble-là, on a besoin qu'il supporte l'accélération. Et donc, c'est un peu la tour Eiffel. Quand on la pose dans la gravité de la Terre, elle supporte l'accélération de la pesanteur de la Terre. Et on voit que sa forme s'évase vers le bas pour supporter tout ce qu'il y a au-dessus. Et donc, cette forme évasée de la tour Eiffel, plus large en bas qu'en haut, elle est là pour résister à l'accélération qu'elle subit, qui est la pesanteur de la Terre. Là, ce vaisseau, il est prévu pour accélérer et donc créer dans son référentiel, pour les passagers ou pour les objets du vaisseau, une accélération, une pesanteur artificielle, puis est accélérée. Donc le câble a une jolie forme. Derrière, il y a des tout petits blocs pour le cargo et puis les passagers. Et puis, il y a tout à l'arrière, il y a quelque chose qui, dans le film, est là pour faire joli, qui réfléchit. On voit des belles images dessus, comme c'était un grand miroir à barbe qui était posé à l'arrière. Et ça, on comprend que c'est quand on réfléchit un peu, on comprend que c'est un bouclier. Parce que ce vaisseau doit se retourner, évidemment, comme le vaisseau de Tintin, comme la fusée de Tintin pour les soldats, il doit se retourner pour freiner. Et ça, c'est le bouclier qui protège. Ce vaisseau est vraiment bien conçu. Et avec tout ce qu'on voit dans le film, on peut mener une enquête complète sur ce vaisseau et raconter plein de choses qui ne sont pas dites dedans. On va vous remettre au fur et à mesure un certain nombre d'images et de photos des vaisseaux spatiaux qui sont évoqués dans l'émission. Alors, pour ce qui est de nos auditrices et nos auditeurs, évidemment, on a une majorité de Star Wars, de Star Trek, hein, de différents modèles de l'Enterprise. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a deux vaisseaux spatiaux qui ressortent et qui sont des vaisseaux spatiaux à l'inverse du Venture Star, Roland Lehoucq, qui sont totalement irréalistes. C'est l'Arcadia d'Albator et le TARDIS du Docteur Who. Ah oui. Alors ceux-là, bien sûr, ils ont des vertus qui sont autres. C'est-à-dire que un vaisseau spatial, alors Denis nous en parlerait bien mieux que moi, mais un vaisseau spatial, ça peut être, de mon point de vue de physicien, un objet technique qui permet de se déplacer d'un endroit à un autre, ça c'est déjà sa fonction, mais c'est aussi un lieu, c'est un lieu de vie, c'est un objet, c'est un engin dans lequel on a envie d'aller ou pas, qui fait peur ou pas, qui est bien foutu ou pas, c'est-à-dire qu'il y a du design ou pas. Et donc là, évidemment, ces deux-là, de ce point de vue-là, par l'histoire qu'ils racontent, par la mythologie maintenant qui leur est attachée, évidemment, ils sont à part dans les vaisseaux spatiaux. Denis Bajram a un commentaire sur la popularité de ces deux vaisseaux exotiques, dirons-nous. Oh bah, je suis parfaitement d'accord. Hein. L'Arcadia, surtout la version 2 avec la tête de mort à l'avant. À l'avant, c'est celle-là qui ressort le plus. Hein. Voilà, et la dunette à l'ancienne à l'arrière, c'est une petite merveille. Hein. On a tous rêvé devant ce vaisseau-là. Le TARDIS, c'est plus fantasmatique parce qu'on va pas dire qu'il est très beau en soi. Non, parce que c'est une cabine de police. Oui, mais c'est une histoire. C'est quelque chose qui a une. C'est un loup. Enfin, c'est un. Comment dire, quelque chose de spécial qui est attaché malgré tout. Denis Bajram. Déjà, il est plus grand à l'intérieur. Oui. Ça, c'est fascinant. Et puis voilà, c'est un des personnages de la série en plus. C'est rare un vaisseau personnage. Là, on a vraiment un vaisseau qui est un personnage qui intervient avec dans l'histoire à des moments presque. Voilà. Donc, je pense qu'on est tous touchés par ça. Mais pareil, la fusée Tintin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est un petit objet de design des années 50 parfait, quoi. Donc, on ne peut que les aimer ces vaisseaux-là, même si la fusée Tintin aujourd'hui, on se rend compte de certaines limites techniques à la fabriquer telle quelle, quoi. Denis Bajram, c'est quoi quels sont les éléments qui font pour vous un bon vaisseau spatial, un vaisseau spatial qui vous plaît, qui vous séduit, et ensuite vous nous raconterez comment vous les imaginez, les vôtres, ceux que vous créez, comment vous les dessinez, quels sont les points de départ justement de la création d'un engin spatial. Je crois qu'on aime les vaisseaux spatiaux déjà parce que les œuvres dans lesquelles ils sont bonnes. On ne peut que aimer un vaisseau de Star Wars quand on regarde le premier film à l'âge de 8 ans, quoi. Enfin, c'est il y a une sorte de magie qui fonctionne dans l'histoire, qui fait que le vaisseau est obligatoirement formidable. Un Star Destroyer, il n'est pas seulement très réussi en tant que design, il est incroyable dans la séquence d'ouverture de l'épisode 4 où on le voit défiler au-dessus du vaisseau. Voilà, c'est un ensemble. Donc un vaisseau, il est beau parce qu'il est dans une œuvre. Je pense que des vaisseaux designés à froid, il y en a plein internet, on s'intéresse pas grand monde en fait. Mais c'est ce que vous diriez, Denis, que le ce qui est intéressant, ce qui fait la qualité d'un vaisseau spatial, c'est quoi? C'est son réalisme, c'est son esthétique, c'est un mélange entre les deux, c'est son usage, comment est-ce que vous quantifieriez ces différents paramètres? En tant que spectateur lambda, je peux les aimer pour plein de raisons très différentes. Moi, je sais qu'après, quand je travaille moi, j'ai une manière de les envisager qui est plus particulière. Alors, racontez-nous cette manière de l'envisager. Moi, je me trouve mon travail, c'est une série qui est réaliste, même si elle est outrée, on va dire, dans sa manière de faire. Donc, j'ai besoin de faire des vaisseaux qui ont l'air crédibles. Je dis pas qu'ils le sont, en fait. Mon idée, c'est de réfléchir au départ aux fonctions que va remplir le vaisseau. Va-t-il rentrer dans l'atmosphère ou pas? Transporte-t-il des choses? Est-il un vaisseau de combat, un vaisseau civil? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et à partir de là, y compris des fonctions intérieures, transporte-t-il des passagers, des matières dangereuses? Je conçois un objet technique, qui est un objet d'ingénieur, mais il faut absolument qu'il soit beau. Parce que s'il est pas beau, déjà, je vais devoir le dessiner 40 fois, donc j'en aurai vite marre. Et en plus, c'est comme ça, en effet, qu'il devient aussi un des personnages de ma bande dessinée. Donc c'est un très proche, finalement, de l'exercice du design industriel, qui est de penser un objet pour son usage. Une théière doit faire du thé. Mais en même temps de le rendre beau parce que les gens doivent avoir envie d'avoir cette théière posée sur leur table de cuisine. Vous disiez quelque chose d'intéressant, Denis, à ce propos-là, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle est la part d'esthétique qui est importante dans le design d'un vaisseau spatial? Elle est très importante dans le cœur finalement des personnes qui vont les retenir, mais on retient par exemple beaucoup plus le Faucon Millenium que le Nostromo. Le Faucon Millenium est totalement irréaliste, alors que le Nostromo pourrait commencer, le Nostromo qui est le vaisseau cargo du premier Alien, qui est cher à mon cœur, puisque je porte même un t-shirt à son effigie, alors que le Nostromo pourrait être plus réaliste, finalement, voilà, comment est-ce que vous mesurez justement cet effet-là quand vous dessinez? Le Nostromo, c'est terrible, mais je crois que c'est un nom, en fait, parce que finalement, on le voit très peu dans le film. On voit un train d'atterrissage pris dans la fumée, on voit un bout par-ci, On le voit au tout début quand même, on le voit dans son intégralité au début du film. Voilà, mais assez peu, et en fait, alors pourtant, il est très marquant parce que c'est le lieu de l'action déjà principal, c'est le lieu envahi, et puis il est parfaitement réussi. Ron Cobb, le designer de ce film, est un génie. Il a parfaitement réussi l'intégration de cette fonction, c'est-à-dire qu'on se comprend bien que c'est une sorte d'usine ou de raffinerie automatisée ou de station offshore, on ne sait pas très bien, mais que c'est un gigantesque objet industriel qui est tracté par un plus petit vaisseau qui est une sorte de remorqueur, et ça on le comprend tout de suite en voyant les premières images, alors que la silhouette est assez complexe. Et toutes ces fonctions sont très visibles, ce qui fait que ça donne une crédibilité énorme au film. Par exemple, Ron Cobb, il a aussi fait la station dans Abyss. C'est une station sous-marine, comme il n'en existe pas en fait. On est tous persuadés qu'ils ont tourné dans une vraie station sous-marine. Ça, c'est la force de ces designers-là, de nous faire croire à une réalité à partir de choses totalement inventées. Roland Le Houc, justement, un vaisseau spatial marquant, c'est un vaisseau qui laisse complètement de côté, finalement, pour le grand public, pour frapper l'imagination, qui laisse totalement de côté la crédibilité scientifique. Oui, enfin, il n'est pas obligé de la laisser de côté, mais c'est vrai qu'essentiellement, il la laisse de côté, parce que dans les films de science-fiction, bien sûr, le vaisseau, sa fonction, c'est de soyez dans l'espace. Et dans l'espace, et pas évidemment en respectant trop les lois de la physique, parce que sinon, les voyages peuvent durer un peu longtemps. Et un peu longtemps, ça peut vouloir dire des siècles. Donc ça veut dire que je sens une vergence dans la force, je vais aller aider mes amis. Et il faut 50 ou 100 ans pour y aller, évidemment, ça n'a pas de sens, il n'y a plus d'histoire. Vous êtes à la tête d'un empire galactique où le déplacement entre chaque planète prend des dizaines ou des dizaines d'années, vous dirigez rien du tout. Donc il est nécessaire d'avoir des vaisseaux qui, d'une façon ou d'une autre, vont violer les lois de la physique, ne serait-ce que, par exemple, en dépassant la vitesse de la lumière, en passant par l'hyperespace, en faisant plein de plot twists absolument stupéfiants. Sauf qu'au final, en violant les lois de la physique, ils sont pourtant intéressants. Donc c'est pas tellement le point. C'est-à-dire qu'est-ce qui va les rendre intéressants, c'est aussi, voilà, comme disait Denis, l'usage qui va en être fait, le design, l'ambiance. Est-ce que c'est un personnage, en fait? Est-ce que c'est le Faucon Millenium? C'est vraiment un vaisseau emblématique. Il a un design vraiment incroyable aussi, mais il est aussi un personnage de la série Star Wars. Donc du coup, c'est ça qui va faire la force du vaisseau et son intérêt. C'est comme l'Enterprise, etc. Donc ça, c'est des grands vaisseaux qu'on voit, qui sont récurrents et qui ont des qualités qui sont autres que le réalisme scientifique. Mmh. C'est ça, Denis Bajram, ce sont des vaisseaux... Les vaisseaux prennent vie à partir du moment où le vaisseau devient un personnage lui-même? Oui, pour reprendre Star Wars, même l'étoile noire, c'est un personnage, et comme ils le tuent, ils le font revenir deux fois quand même. Hein. Donc on sent bien que cette fonction-là est importante. Parlons en quelques mots, peut-être Roland, d'un point de vue un peu historique, justement comment évolue la pensée, finalement, la conception du vaisseau spatial dans la littérature de science-fiction, depuis la soucoupe volante initiale martienne, le Flying Saucer, jusqu'à des vaisseaux effectivement plus complexes, jusqu'à l'Atium, disons, des vaisseaux pensants qui deviennent des entités individuelles. Alors, je suis pas sûr de pouvoir être exhaustif, mais disons, on peut voir qu'il y a quand même, dans la science-fiction, le vaisseau, donc il a une fonction, c'est d'aller d'un point à un autre. Alors évidemment, les auteurs de science-fiction se renseignent sur les sciences et voient bien que les moyens techniques et la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, on est limité en vitesse. On peut pas aller plus vite que la lumière, par exemple, donc ça c'est embêtant, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils s'embêtent pas, ils violent une loi de la physique, ils vont plus vite que la lumière, ou ils prennent des détours dans l'espace-temps, qu'on appelle hyperespace ou autre chose. Ça, c'est une première solution. Après, la deuxième solution, donc là, après ils inventent un objet technique avec un nom ronflant, éventuellement, pour justifier la situation. Et puis l'autre solution, c'est de réaliser que non, bien sûr, il y a des limitations techniques et du coup d'en tirer parti et de se dire, eh bien non, l'aventure, c'est pas tellement de pouvoir aller d'une planète à une autre comme on prend l'autobus, mais c'est ce qui se passe dans le vaisseau. Et là, on appelle ça les vaisseaux génération, où à l'intérieur du vaisseau, leur bordage en a utilisé, d'autres en ont utilisé, des vaisseaux qui vont traverser l'espace pour aller d'une planète à une autre, d'une étoile à une autre, mais cette fois-ci en des centaines d'années. Et les gens qui descendent éventuellement du vaisseau ne sont pas ceux qui sont montés dans le vaisseau, ce sont leurs arrière-arrière-arrière petits-enfants. Donc là, c'est la deuxième grande classe de vaisseaux de la science-fiction. Mais en fait, il faut réaliser que, en dehors de la science-fiction, qui était peut-être de la science-fiction à son époque, mais dès le début, on avait compris, pour la propulsion à réaction, par exemple, quand je dis dès le début, c'est-à-dire dès la fin du 19e siècle, avec notamment le russe Konstantin Tsiolkovsky, on avait compris que la propulsion à réaction était le moyen de s'échapper de la gravité de la Terre, d'aller dans l'espace et d'évoluer dans l'espace. Donc, tous les vaisseaux que l'on voit en général, pratiquement tous, ils ont une propulsion à réaction derrière. Il y a un arrière du vaisseau, il y a un avant, et à l'arrière, il y a des gros tuyaux, et il sort un truc. Souvent c'est bleu, on sent que c'est chaud, on sent que c'est puissant, il y a une ambiance qui fait qu'il faut pas y aller. Ça fume pas comme nos fusées, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quelque chose qui sort. Donc ils ont gardé cette idée-là de propulsion à réaction. Le coup des vaisseaux à voile solaire, il y a quelques œuvres de fiction, on parlait tout à l'heure de Gérard Klein, il y a Cordwainer Smith aussi, et puis dans La Planète des Singes, aussi au début de La Planète des Singes, on apprend que le vaisseau il se déplace aussi parfois avec des voiles solaires. De temps en temps, c'est utilisé, mais plutôt rarement. Et puis, les autres types de propulsion. Alors, il y a un autre type de propulsion qu'on pourra éventuellement envisager. C'est celle qui s'appellerait, qu'on appelle en anglais ramjet, qui serait statoréacteur quand on est dans l'atmosphère de la Terre, mais dans l'espace. On ramasse son carburant au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est-à-dire de l'hydrogène. Alors, essentiellement l'hydrogène dans le milieu interstellaire, essentiellement l'hydrogène qui est l'atome le plus abondant, 90% des atomes du milieu interstellaire, c'est l'hydrogène. Donc on ramasse en gros son carburant en avançant, et plus on avance vite, plus on en ramasse. Et donc ça, c'est une idée qui date des années 60, d'un Américain qui s'appelle Bussard, Robert Bussard, et ça on le trouve dans Taux Zéro, dans l'œuvre de science-fiction Taux Zéro de Poul Anderson. Et il y a toute une histoire avec ce ramjet. Donc en fait, les auteurs de science-fiction vont jouer avec les différents modes de propulsion, et ils vont jouer sur les deux catégories. Est-ce que je viole franchement les lois de la physique? Et puis j'y vais, puis, c'est parti. C'est pas grave, c'est parti mon kiki. Ou alors au contraire, j'essaie de les respecter, et du coup j'en tire une histoire. C'est-à-dire, en les respectant, ça impose des contraintes. Et il y a eu des œuvres de fiction, alors dans les titres, il y a certains titres qui m'échappent, mais il y a eu des œuvres de fiction où il y a vraiment le Sénat, je vais pas dire galactique, mais le Sénat, les gens qui gèrent l'ensemble des planètes, l'empire multiplanétaire, eh bien ils se déplacent en permanence de planète à planète. Ils vont évidemment assez vite, moins vite que la lumière, mais avec les effets de dilatation temporelle, ils arrivent à gérer un peu un système planétaire comme ça, avec des contraintes énormes, évidemment, qui ne sont pas celles de Star Wars, où on va d'une planète à une autre, comme on prend l'autobus. Alors, dans les composants, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi, avant d'en arriver aux différents composants de ce vaisseau spatial, les points obligés, les différentes options, peut-être, Denis Bajram, qu'on pourrait aussi les penser ou les envisager un peu par classification d'usage, c'est-à-dire que tous les vaisseaux spatiaux ne sont pas que des vaisseaux de transport, ça peut être des vaisseaux de guerre, ça peut être des nefs. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute une sorte de catégorisation par emploi, en fait, de ce type d'instruments spatiaux. Oui, moi je me suis trouvé face à ce problème-là dans mes bandes dessinées, puisqu'il y a des flottes de guerre, il y a des vaisseaux de transport, etc. C'est vraiment c'est même important de penser pour ces lecteurs ou pour ces spectateurs, parce qu'en fait il faut qu'ils comprennent tout de suite la fonction du vaisseau, justement. Quand on voit arriver une navette toute lisse, toute propre, toute brillante, on se dit que c'est pas un véhicule militaire. À l'inverse, si on s'amuse à le peindre en kaki même dans l'espace, ça marche tout de suite, quoi. Moi, je me suis amusé à parfois utiliser des couleurs militaires dans l'espace, qui est complètement ridicule, quoi. Le camouflage dans l'espace, c'est quand même le truc le plus stupide qu'on puisse faire, quoi. Mais en même temps, pourquoi pas? Et c'est très clair comme ça, et surtout si le vaisseau ressemble vaguement de loin à un hélicoptère américain de la guerre du Vietnam, instantanément les gens vont s'en rendre penser qu'il y a une invasion, quoi. Donc on voit bien qu'il y a quand même des fonctions dans le design qui sont des fonctions de code, tout bêtement. On manipule bien des codes que tout le monde reconnaît très facilement. Et notamment des codes qui sont ceux on ne décrit pas pareil, ou on ne représente pas de la même façon des vaisseaux humains ou terriens ou que des vaisseaux extraterrestres. Le vaisseau extraterrestre, c'est une autre sous-catégorie qui doit, elle aussi, avoir ses codes de reconnaissance, enfin, qui doivent être reconnaissables immédiatement. On voit ça très bien dans la série Valérian de Mézières et Christin, où ils se sont retrouvés plein de fois à représenter des vaisseaux extraterrestres. Alors il y a des vaisseaux qui finissent par ressembler à des vaisseaux Art Nouveau, des vaisseaux qui ressemblent à des animaux, à des arbres. On voit ça aussi souvent, les vaisseaux arbres dans la SF en romanesque. C'est vrai que moi je me suis retrouvé à devoir dessiner des vaisseaux extraterrestres arrivant de plein de civilisations différentes dans Universal War 2. C'est un drôle d'exercice, hein, parce que comment faire comprendre que c'est un vaisseau alors qu'on quitte éventuellement tous les concepts technologiques qui sont les nôtres? Parce que l'air de rien, nos vaisseaux aujourd'hui, ils font toujours un peu penser à un avion, à une fusée, à une soucoupe volante. On a 4, 5, 10 comme ça. Le Faucon Millenium, par exemple, c'est une soucoupe volante un peu allongée à l'avant. Avec une tourelle de bombardier américain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des codes que tout le monde reconnaît assez facilement. L'extraterrestre, quand on s'amuse à dessiner une pieuvre de l'espace, s'il ressemble vraiment à une pieuvre, les gens vont se dire, tiens, il y a une pieuvre dans l'espace, c'est bizarre. Oui, ou alors l'extraterrestre, quand il est très méchant, il vole dans des cubes. Dans Star Trek, par exemple. Oui, dans des cubes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est pas plus bête. Dans la forme des vaisseaux volent dans l'atmosphère, des avions, elle est imposée par le fait que ces vaisseaux se déplaçant doivent produire une portance qui va les tenir contre leur poids, de sorte qu'ils progressent en altitude sans tomber bêtement. Donc là, il faut qu'ils aient une forme adaptée à leur déplacement dans un milieu qui se trouve être l'atmosphère. Dans le milieu interstellaire, qui est quasiment vide, enfin, à notre échelle, c'est plus vite que le meilleur vide qu'on sait faire sur Terre. Bon, on se déplace, il n'y a pas besoin de portance ni de rien du tout ça. On pourrait avoir une forme complètement ridicule. Un cube n'est pas pire de ce point de vue-là qu'une belle soucoupe volante ou qu'un vaisseau très fuselé. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, si ce vaisseau doit rester tout le temps dans l'espace sans jamais pénétrer dans l'atmosphère, il n'y a aucune raison qu'il y ait une forme particulière. Le vaisseau extraterrestre doit aussi, d'une certaine manière, être menaçant. Il peut être insectoïde. Il peut avoir beaucoup d'armes très pointues dans l'imaginaire ou dans les codes graphiques pour représenter ces vaisseaux, pour représenter la menace des vaisseaux de l'Image RAM. Oui. Bah, le côté pointu est très à la mode ces derniers temps. On voit des vaisseaux noirs avec des pointes partout. Voilà. C'est le vaisseau méchant par excellence. Moi, je trouve presque plus effrayant un cube, en effet, hein, parce qu'il y a un côté, je ne sais pas ce que c'est. Il y a rien de plus effrayant que de ne pas savoir. Donc, je sais que je réfléchis beaucoup dans mes designs étrangers à rendre ça incompréhensible. Là, aujourd'hui, j'ai des triangles noirs qui se baladent, qui sont tout plats. C'est vrai que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est beaucoup plus inquiétant que finalement que s'il y avait marqué ouvertement dessus « Attention, envahisseur ». Alors ça c'est pour finalement une sorte de classification à grands traits de ces différents types de vaisseaux spatiaux. Dans ces vaisseaux spatiaux, il y a en général un certain nombre de composants incontournables. L'un de ces composants, on en a déjà un peu parlé, mais c'est tout de même important, c'est bien ce fameux dispositif qui va permettre d'aller plus vite que la lumière, qui a été rendu très célèbre dans la série Star Trek par le fameux Warp Drive, et notamment l'indispensable mot du capitaine Picard. Can we go already? Yes, fine. Engage. Voilà, Jean-Luc Picard de retour dans la série Star Trek Picard qui reprend son fameux mot de The Next Generation Engage. Roland Lehoucq, le Warp Drive, c'est l'une des solutions, mais là aussi, en fait, pour dépasser la vitesse de la lumière, on a un arsenal de dispositifs possibles avec celui, on va pas refaire cette fameuse scène de la feuille pliée en deux avec le crayon qui traverse pour expliquer que le trajet le plus rapide d'un point A à un point B, ce n'est pas la ligne droite, mais c'est eh bien la superposition, mais le Warp Drive, c'est quelque chose quand même, malgré tout, d'assez complexe et d'assez intéressant à examiner. Oui, alors, c'est-à-dire que c'est... D'abord, ça sort de cette... le mot, en tout cas, vient de la science-fiction et de Star Trek, mais évidemment, les scientifiques sont intéressés, s'intéressent souvent dans les analyses des œuvres, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut faire sens malgré tout. Et effectivement, sans dépasser la vitesse de la lumière, mais en donnant l'impression, pour un observateur lointain, de dépasser la vitesse de la lumière, on peut faire des choses tout à fait étonnantes quand on joue avec la gravitation. Alors la gravitation, chez Newton, c'est une force. Puis Einstein nous dit que la gravitation, ce n'est plus une force, c'est une manifestation de la déformation de l'espace-temps, déformation qui est imposée par la distribution de matière et d'énergie, et mouvement de matière et d'énergie. Donc si vous êtes dans un cadre mental où l'espace est déformable, et ça s'appelle la gravité, mais si l'espace est déformable, vous pouvez vous dire, bah alors pour aller de Paris à Marseille, au lieu de suivre froidement la route, bah je prends Marseille, j'attrape Marseille, je déforme l'espace entre moi et Marseille, entre Paris et Marseille, j'attire Marseille à moi, je fais un pas, à une vitesse tout à fait raisonnable, et puis je lâche Marseille, et hop, je suis à Marseille. Donc je caricature un peu, parce que Marseille c'est sur la Terre est un solide qui n'est pas facilement déformable, mais l'idée avec l'espace est la suivante, vous contractez l'espace devant vous. Alors on peut montrer qu'il faut aussi le dilater simultanément derrière, mais enfin, vous contractez l'espace devant vous, et vous êtes en train finalement de creuser un puits gravitationnel dans lequel vous tombez, et vous le contractez comment ? Par un dispositif approprié, le Warp Drive, engage le Warp Drive, ça déforme l'espace devant vous, vous tombez dedans, et comme ça, vous vous déplacez en déformant la courbure de l'espace-temps localement, et vous, si vous faites ça assez habilement, vu de loin, quelqu'un qui vous regarde vous déplacer de loin peut avoir l'impression que vous déplacez plus vite que la lumière, alors que localement, vous ne dépassez jamais la vitesse de la lumière. Donc, vous ne violez pas des lois de la physique, vous respectez même la théorie de la relativité générale qui autorise ce genre de déformation. Après, c'est donnez-moi la déformation et je vous calculerai le plan, si j'ose dire, la distribution de masse énergie qu'il faut, et c'est là où les ennuis commencent. C'est-à-dire que, d'abord, il en faut beaucoup de masse énergie, il en faut beaucoup de très concentré, de très compact, donc en gros il faut être capable de manipuler quelque chose qui ressemble à des trous noirs de la masse de la Terre, on va commencer comme ça. Mm-hmm. Alors un trou noir de la masse de la Terre, ça fait c'est une bille qui fait 9 mm de rayon, d'accord, donc vous prenez une petite bille de 9 mm, vous mettez toute la Terre dedans, Il vous brique, vous jouez avec ça, vous le posez aux bons endroits, ça va vous aider. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, dans le genre de déformation, il y en a une qui est célèbre, mais qui a été, disons, réfutée, ensuite discutée. Il y a toute une histoire de ça, mais une des plus célèbres, c'est celle de Miguel Alcubierre, un physicien mexicain qui a imaginé ça pour la première fois. La mécanique d'Alcubierre. Exactement. Il faut déformer derrière aussi d'une autre façon, contracter à l'avant et dilater à l'arrière. Et dilater l'espace, ça veut dire faire quelque chose qui n'est pas pesant comme la matière habituelle. Et quelque chose qui n'est pas pesant comme la matière habituelle pour dilater, c'est quelque chose dont l'énergie de masse est négative. Et donc, on n'a pas la moindre preuve d'existence, ni la moindre queue de début d'ombre d'observation quelque part dans l'univers. Donc, il faut une matière exotique que vous n'avez jamais vue, il faut de la matière normale, et il la faut dans des états qui ressemblent à manipuler des trous noirs ou des objets extrêmement, de la matière sous forme extrêmement compacte. Donc on sent bien que ça va pas être facile. Bon, alors après, il y a eu tout un tas de discussions, de modifications, je n'ose dire d'amélioration, enfin de discussions autour de ça, qui fait que ce qui est intéressant dans le Wide Drive finalement, c'est pas tant qu'on réussisse à le faire un jour, ça semble assez difficile techniquement, sans parler d'énergie qu'il faudra pour faire les déformations, mais c'est aussi de jouer avec une théorie qui fonctionne bien, la relativité générale, de la pousser dans ses retranchements et de voir que finalement, il y a des choses qui sont pensables, un peu comme les trous de verre. Les trous de verre, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure, en repliant une feuille et puis en faisant la fameuse image qu'on voit dans Interstellar, et puis on passe du feuillet supérieur au feuillet inférieur, en fait en déformant l'espace sur la grande échelle, et cette déformation permet de rapprocher deux points qui étaient initialement éloignés. Eh bien, cette histoire des trous de verre, c'est pareil, c'est compatible avec la relativité générale. C'est sans doute pas facile à faire en pratique. Un trou de verre traversable, vous pouvez survivre à la traversée. Et donc, du coup, ça permet de jouer avec la théorie, de se faire plaisir, parce que finalement, c'est des gros calculs, mais ça fait des objets techniques assez sympas. Bon, et puis après, voilà, c'est pas facile d'aller plus loin. Je vais prévenir tout de suite nos auditrices et nos auditeurs, nous n'allons pas pouvoir parler de tous les vaisseaux spatiaux de la science-fiction, parce que nous avons un temps limité et un espace limité. Donc, ne hurlez pas dessus si on ne parle pas de votre vaisseau favori. On va essayer malgré tout, mais c'est difficile. Denis Bajram, un mot sur ces options. On parle d'options scientifiques, techniques. On pourrait parler de l'épice et de la guilde des navigateurs ou d'autres idées plus fantasques ou plus rocambolesques pour aller très vite dans un empire très vaste. Dans Dune, il replie l'espace, donc on est toujours dans la même idée, mais on ne sait pas très bien expliquer après. C'est hein. Ça. Bah, c'est-à-dire, c'est l'épice, quoi. Bon, c'est la drogue, hein, soyons honnêtes. Hein, la drogue permet de voyager plus vite. Voilà. Donc, N'essayez pas ça chez vous, ça ne marche pas. oui, allez-y, Denis Bajram. En tant qu'auteur, je me suis trouvé face à ces problèmes-là. Hein, parce quand on essaie de faire un récit de science-fiction un peu réaliste, on réfléchit à ces moyens de transport. Moi, je suis passé directement à l'antigravité parce que j'en avais besoin pour que les gens puissent marcher dans les vaisseaux. Et finalement, je me suis dit que si on maîtrisait l'antigravité pour, la gravitation modulée, hein, pour pouvoir tenir dans un vaisseau debout, finalement, on pouvait aussi l'utiliser pour voyager tout bêtement, puisqu'on pouvait se pousser ou se repousser, etc. Donc voilà, on essaye toujours de construire une petite théorie, même si on part de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire en l'occurrence là, savoir moduler la gravitation. Vous me tendez la perche magnifiquement, puisque l'autre passage à peu près obligé de la question des vaisseaux spatiaux, c'est évidemment celle de la gravitation artificielle. Comment vous l'avez résolu, Denis Bajram, vous, du coup? Alors c'est assez compliqué, en plus je donne la réponse dans les bouquins qui arrivent, mais en gros, ils ont récupéré un module d'antigravitation fonctionnel qui arrive du futur. Les plans arrivent du futur et on ne sait pas qui les a créés. Voilà, donc c'est une sorte de boucle temporelle où finalement personne ne l'a inventé. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose déjà d'incohérent dans le principe. C'était un moyen de signifier aux gens que c'était sans doute pas possible en vrai. Voilà. Un mot sur cette image qui est devenue classique aujourd'hui dans la représentation des vaisseaux de science-fiction, je crois depuis 2001, mais vous allez me préciser cela, Roland Lehoucq, c'est celui de la roue qui tourne et qui permet de recréer une gravité artificielle. Est-ce que ça, c'est scientifiquement correct? Ah bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un objet, pas testé dans la vraie vie du vrai espace où il y a des vrais humains dedans, mais dans le principe, c'est absolument évident que ça marche. Après, il faut le réaliser techniquement et que ça fonctionne bien, enfin que ça soit techniquement réalisable et que ça ne s'arrête pas, que ça ne pose pas de soucis, mais c'est tout à fait jouable effectivement. Quand on est dans un cylindre en rotation, si on est sur le bord du cylindre, on va subir l'accélération centrifuge qui, pour nous, plaquée sur le mur du cylindre, donnera l'impression d'être une gravité artificielle. Et donc on le voit par exemple, il y a des motos qui font ça, il y a des spectacles de motos où les gars sont sur leur moto et puis ils tournent à fond sur les parois latérales du cylindre qui sont verticales, et en fait ils tournent suffisamment vite pour que la force centrifuge les plaque contre la paroi verticale du cylindre et que leur poids ne les fasse pas tomber sur le fond du cylindre. Donc ça, c'est tout à fait jouable et c'est assez ancien l'idée. Hein. L'idée d'une station orbitale en rotation sur elle-même pour y créer une pesanteur artificielle, elle date pratiquement dès les premières idées de station orbitale. Encore une fois, Tsiolkovsky, qui raconte pas tout dans le grand détail, mais qui fait quelques dessins. Et surtout, Hernán Potočnik, qui a publié son nom de Nordnum, qui a publié en 1929 des premières idées de station orbitale détaillées, techniquement détaillées, où il dit là, il y a le port pour entrer, là, il y a les escaliers pour aller sur le moyeu central, là, il y a le système pour capter la lumière du soleil, etc. Donc, il essaie de concevoir une station orbitale crédible et qui est en rotation sur elle-même, précisément pour créer sur sa paroi latérale une gravité artificielle. Après, il y a eu Werner von Braun, évidemment, et la station de Werner von Braun, c'est elle qui donne l'idée de la station de 2001. Alors, Werner von Braun, il a une station à un seul moyeu, c'est une sorte de tore, comme une roue de bicyclette en rotation sur elle-même, mais dans 2001, c'est deux tores qui sont accrochés. Et puis, après, on a tout un tas de stations. Il y a eu les stations orbitales des années 70, aussi imaginées par un ingénieur qui s'appelle Gérard O'Neill, et puis un groupe à Stanford, qu'on appelle les cylindres de O'Neill, ou les tores de Stanford, et puis plus proche, dans la science-fiction cinématographique récente, il y a le film Elysium, où on voit justement une roue qui est un tore de Stanford qui est en orbite et où les gens assez fortunés pour y aller se planquent tranquillement des désagréments d'être à la surface de la Terre. Donc ça, cette idée-là, que mettre des choses en rotation pour y créer à l'intérieur une gravité artificielle, c'est très courant. J'ai l'esprit d'escalier, je reviens. Le Venture Star encore, il a une partie en rotation, les haltères en rotation. Et puis dans les films martiens, genre Mission to Mars par exemple ou d'autres, on voit souvent des éléments où dans The Martian, enfin dans Sol sur Mars, le vaisseau Hermès, pareil, il a un petit module en rotation. Ça, c'est pour aider finalement les passagers à avoir une zone au moins où ils seraient en gravité artificielle. Ça a été imaginé pour la station spatiale internationale. Enfin, il y a eu un projet de ça qui était d'adjoindre à la station internationale un module en rotation, de sorte que les astronautes puissent par exemple dormir dans ce module et avoir pendant 8 heures de sommeil, avoir une gravité artificielle qui les aide à mieux supporter les difficultés d'être en apesanteur pendant des mois et des mois. Est-ce que dans cette conception, en élargissant, puisqu'on parlait tout à l'heure des vaisseaux générationnels, on a pas mal de représentations également de grandes roues qui soient des espèces de cités spatiales où on a recréé finalement une atmosphère artificielle, on voit des champs, des maisons, etc. Là, on est vraiment aussi dans le pur concept de science-fiction, ou est-ce que science peut permettre d'imaginer quelque chose comme ça à terme? Oui, ça s'est fondé sur les idées de, je disais tout à l'heure, de Gérard O'Neill et du tore de Stanford. L'idée, vous prenez un grand cylindre, vous le faites tourner selon son axe principal, la paroi latérale, à l'intérieur du cylindre, la paroi latérale devient le sol, avec un sol un peu curieux où la courbure monte vers le haut. Donc quand vous regardez au-dessus, vous avez les gens qui sont à l'opposé, diamétralement opposé, qui sont la tête dirigée vers vous et qui sont pressés sur la paroi par la force centrifuge. Et si ce truc-là est en orbite autour de la Terre ou en orbite héliocentrique autour du Soleil, cet engin, c'est une station orbitale. Mais si maintenant cet engin, vous le poussez aux fesses par un procédé quelconque, un moteur quelconque, même pas besoin de le pousser très fort, il doit être capable de le pousser assez longtemps. Quand je dis très fort, c'est-à-dire pas avec une accélération très grande, mais si vous le faites assez longtemps, il atteindra des vitesses raisonnables et vous avez un vaisseau où, à l'intérieur duquel les gens peuvent vivre. On en voit un comme ça, c'est dans The Expanse. Il y a un groupe de religieux qui construit un grand vaisseau pour aller vers les étoiles et qui après piqué par les gens d'astéroïdes. Mais je sais plus comment s'appelle ce vaisseau, mais il y a ce grand vaisseau qui est en rotation sur lui-même. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qui ressemble à un tore de Stanford, à l'intérieur duquel les gens vont vivre, sur la paroi latérale. Et puis, à l'arrière, il y a un réacteur, enfin quelque chose qui les pousse, quoi. Donc ça fonctionne bien. Ça pourrait fonctionner. Bon, c'est compliqué à fabriquer quand même. Ça reste compliqué à fabriquer, évidemment. Et ce qui nous amène peut-être aussi à cette évolution ultime du vaisseau spatial, quand ce vaisseau spatial est un vaisseau monde, un vaisseau générationnel, un vaisseau qui abrite des êtres humains et que finalement, qui plus est, il s'éveille à la conscience. En général, c'est rarement bon signe. Allô, Carl, réponds, s'il te plaît. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là ? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Pas bien, Carl. Voilà, extrait de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Carl en français, HAL 9000 en version originale, Denis Bajram. Quand le vaisseau devient conscient, ça devient non seulement effectivement le personnage qu'on évoquait au début de l'émission, ça devient un paramètre assez intéressant pour un certain nombre d'auteurs de science-fiction. Oui, on est vraiment le vaisseau personnage, le vrai. On a des intermédiaires déjà avant ça, comme le vaisseau du 1031 avec des intelligences artificielles qui protègent les humains et tout. Parce qu'évidemment, quasiment tout ça descend à chaque fois de 2001 parce que ça a été un tel choc. En plus, on a une opposition entre plusieurs types de vaisseaux parce qu'on a ce vaisseau technologique envoyé par les humains avec une IA formée par des humains qui se retrouve face à des monolithes noirs qui semblent quand même être des voyageurs spatiaux. On ne sait pas si c'est des entités pensantes, des vaisseaux, etc. C'est vraiment le film de tous les enjeux quasiment sur le voyage spatial, quoi. Et il y a une série qui est chère à mon cœur, et je crois que vous aimez bien aussi Denis Bajram, qui explore cette idée-là. C'est une série de Frank Herbert. Ce n'est pas Dune, c'est une série qui s'appelle Le Programme Conscience, et dont le vaisseau Neff est envoyé aux confins du cosmos pour s'éveiller à l'intelligence. Alors, que se passe-t-il eh bien, quand un vaisseau Neff qui contient milliers d'habitants devient conscient? Eh bien, il devient ni plus ni moins Dieu. Oui. Non, mais c'est parce que j'adore cette série, je trouve que c'est intellectuellement passionnant. Moi aussi, j'allais en parler, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, on est dans une version paranoïaque, mais qui est pas du côté de l'IA, justement. Mmh. Contrairement à 2001, où on a quand même l'impression, finalement, à l'arrivée, que c'est une IA paranoïaque. Même si c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un drôle d'exercice chez Herbert. Moi, je sais qu'Ado, c'est un livre qui m'a terrifié, en fait. Ouais. Parce qu'il interroge pleinement, en effet, ce que c'est qu'être humain et être face à cette évolution. Parce qu'en plus, à chaque fois dans le vaisseau comme ça, on a cette idée de biosphère, c'est-à-dire qu'on transporte avec nous un petit morceau de la Terre. Quelque part, quand une IA est à la tête de cette biosphère, on voit ça même dans des dessins animés comme Wall-E. Quelque part, c'est en effet le dieu de cette création, quoi, qui est de cette petite terre isolée, ce petit morceau d'humanité, de biologie, de mer, d'air qu'on enferme dans une coque. Donc, c'est vraiment la question de qui dirige cette biosphère, qui en est le créateur et qui en est éventuellement le bourreau, quoi. Roland, quand le vaisseau est lui-même conscient et qu'il abrite une civilisation, à quoi on se prépare ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que du point de vue des passagers, si ce vaisseau conscient, évidemment, peut avoir toutes les apparences d'un dieu, ou en tout cas d'un être omnipotent qui tient leur vie entre ses puces, entre ses neurones de silicium, je ne sais quoi, parce qu'il est en train de tout gérer. Un vaisseau génération, c'est un vaisseau énorme. C'est un vaisseau, enfin, quand je dis vaisseau génération, c'est-à-dire que les humains qui sont là sur des dizaines, des centaines d'années dans le vaisseau, c'est un monde apparent, c'est un monde en soi, c'est la Terre en miniature, c'est la Terre mise sous la loupe avec tous les problèmes. Il y a trop de monde. Les ressources sont limitées, l'air évidemment est limité, la nourriture est limitée, le recyclage doit être parfait mais il ne l'est jamais, donc petit à petit les ressources s'amenuisent. Et puis il y a ce vaisseau qui est censé vous amener à bon port, qui lui seul connaît la route, vous ne pouvez pas agir sur ce vaisseau, qui lui ne dort pas et fonctionne tout le temps alors que les humains sont finis, dorment, se battent, etc. Bref, vous êtes entre les mains littéralement de la machine, et donc je peux comprendre qu'il y ait si cette situation se produisait, les humains seraient dans une situation un peu particulière. D'ailleurs, ça pose la question, quand on voit par exemple les vaisseaux de Alien. Le Nostromo, c'est un vaisseau très métallique, c'est un minéralier, c'est un vaisseau très technique à l'intérieur. Mais est-ce que c'est bien ça qu'on voudrait dans un vaisseau où on va accueillir des humains pendant des centaines d'années? Est-ce que, alors, L'autre solution, on a dit d'aller vite. On fait dormir les humains. Voilà, on les met en stase, en sommeil cryogénique ou je ne sais quoi. Et ils dorment et ils se réveillent à l'arrivée. Mais si les gens doivent rester éveillés, parce qu'on ne sait pas les endormir ces centaines d'années, si on les laisse éveillés, qui on met dedans ? Comment on organise la vie à l'intérieur ? Est-ce que c'est vraiment une forme technique, techno, hiérarchique, mili ou quelque chose ? Ou est-ce que ça pourrait être quelque chose qui ressemble à un chasseur-cueilleur dans une forêt exubérante ? Est-ce que finalement le vaisseau de 30 km de long, 5 km de diamètre, comme on peut le voir dans certaines œuvres de fiction, il ne serait pas rempli d'une forêt tropicale humide ? Et puis à l'intérieur, les humains vivent comme ils vivraient dans l'Amazonie, en ignorant tout de l'endroit où ils sont, mais en ayant les capacités de vie en petites communautés qui sont nécessaires, de résilience. Et puis on leur dit explicitement, il y a un dieu qui pilote tout ça, ils ignorent tout de l'extérieur et on crée une nouvelle, théologie. Scénario assez passionnant. Il y a des travaux qui ont été faits, Roland, hein, pour savoir combien d'êtres humains il faudrait embarquer pour assurer le maintien, la continuité de l'espèce sans avoir de problème de consanguinité dans un film pas très réussi, à mon sens, Passenger de Morten Tildum avec Chris Pratt. Le vaisseau est assez beau d'ailleurs. Un très beau vaisseau avec aussi un principe de roue tournante. Exactement, il y a une roue tournante très belle et d'ailleurs avec en forme d'ADN. Enfin, les deux roues sont comme la double hélice de l'ADN. C'est ça. Et Jennifer Lawrence, le film est assez raté, mais il y a des idées intéressantes et ils sont 5000. Est-ce que 5000 c'est suffisant pour préserver J'en ai aucune idée et c'est compliqué. C'est-à-dire que si on veut que les passagers survivent, il faut imaginer tout un tas de choses. Et tout à l'heure, on parlait de technique. La technique, c'est déjà compliqué, mais c'est en fait trivialement simple quand on compare à la façon dont on va organiser la vie d'humain dans une caisse à savon qui doit durer 100 ans et qui doit les maintenir en vie 100 ans en espérant que les descendants des arrière-arrière-petits-enfants finissent, veulent bien descendre du vaisseau pour aller coloniser la planète. Et donc là, on en rentre dans des problèmes beaucoup plus difficiles qui fâchent tout de suite. Par exemple, qui peut coucher avec qui ? Qui a des enfants avec qui ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, pour les aspects génétiques, de brassage génétique dont vous parliez, et puis qui peut coucher avec qui, ben, c'est pas simplement les relations humaines entre humains qui sont dans ce vaisseau. Et donc ça, ces questions-là, qui sont tout de suite crûment posées, dès qu'on met finalement l'humanité en miniature, on met combien ? 100 ? 200 ? 500 ? Et là, le nombre, évidemment, les estimations, il y a des estimations qui ont été faites, mais ça reste très, à mon avis, probablement très discutable. Et en tout cas, ça met tout de suite le doigt sur tous les gros problèmes que ça poserait d'imaginer, de réaliser en pratique un vaisseau comme ça. C'est un anthropologue, Cameron Smith, a fait des travaux, estime que l'équipage initial doit comporter au minimum 14 000 et au maximum 44 000 membres pour assurer la préservation de l'espèce. On n'a pas évoqué un autre vaisseau qui est cher à mon cœur, dans une série qui est cher à mon cœur et qui est dans cette zone-là, c'est dans Battlestar Galactica, il reste environ 48 000 humains, donc c'est à peu près suffisant pour préserver l'espèce. Un mot, Denis Bajram, pour conclure, ou peut-être sur un des vaisseaux qu'on n'aurait pas évoqué, sur un aspect à côté duquel on serait passé, puisque pour revenir sur les populations, le fait déjà quand on imagine qu'on va construire un vaisseau et envoyer des gens en colonisation, on pense instantanément qu'on va sélectionner les gens qui vont monter à bord. C'est quelque chose de très angoissant quand on y réfléchit, parce qu'on pense tous naturellement qu'il faudrait faire une sorte d'eugénisme où on choisirait une population d'élite parfaite pour monter dans ce vaisseau, alors que l'humanité c'est tout le contraire de ça. Dans Battlestar Galactica, justement, c'est une sélection au hasard. Les gens ont été, c'est les survivants qu'on a pu ramasser, et les gens s'enfuient. Donc on a un vrai morceau d'humanité, et avec tous les problèmes qui vont avec, mais espérons aussi toutes les réussites qui vont avec. Roland, pour conclure, un mot sur un dernier vaisseau qu'on a oublié dans notre. Un vaisseau que j'aime bien, moi, c'est le vaisseau de rendez-vous avec Rama. C'est un cylindre, c'est un vaisseau, il n'y a pas d'habitants dedans, c'est la rencontre des humains avec l'altérité radicale, puisque c'est un vaisseau, c'est un artefact qui rentre dans le système solaire et qui s'en va. C'est au moins moi, quoi. C'est au mieux à Mua, comme certains tentent de nous le faire croire. Et ce vaisseau, il est étonnant parce que en enquêtant sur ce vaisseau, les humains arrivent à comprendre beaucoup de choses de l'espèce qui l'a fabriqué. Et en même temps, ils ne rencontrent aucun être de cette espèce dans le vaisseau. Donc c'est une rencontre de l'extraterrestre sans l'extraterrestre par l'intermédiaire de l'objet technique qui est un vaisseau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Roland Lehoucq. On peut vous lire dans votre collection Parallax au Bélial. Comment parle un robot, Dune, Quoi d'autre encore? La science-fiction. La science et son cinéma. Il y a les villes de science-fiction aussi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont sortir encore. Il y en a un qui va arriver bientôt, qui est déjà annoncé sur le cyberpunk, qui est de Yannick Rumpala. Très bien. On va vous mettre le lien vers la collection sur notre fil Twitter. Denis Bajram, Cryozone chez Delcourt, Universal War. On va vous mettre aussi tous les liens vers vos excellentes bandes dessinées sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Natacha Tritliou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Noémie Néguet de Saint-Ville, Francine Lausanne et Vétienne, Hélène Triguiros à la réalisation d'Elia, à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode scientifique, lundi, nous nous interrogerons sur ce qui nous pousse à douter et sur les mécaniques de l'incertitude. Mardi sera question des lentilles gravitationnelles qui nous permettent de scruter l'espace profond. Mercredi, nous parlerons des xénobots, ces petits robots cellulaires. Jeudi, histoire du carré de l'hypoténuse et de celui qui en a établi le théorème. Nous parlerons de Pythagore et vendredi, consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, Étienne Klein, la part inné de l'immunité, il recevra le prix Nobel Jules Hoffmann. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.